sexe à Erwan, mon cadeau. Taquinage sous le capot, pour Farage, Al Capo et Gecko. C'est le carnage, ta boîte peau, c'est le ghetto. La calage de 10 gars sous le paletot. T'es un lâche, tu t'y bras, tu parles trop. Au C4, on t'éclate, la gainage du douanier. Un de ces quatre fait un casse, prends du cash chez le joaillier. La pougnette, ça s'écarte, ça fait mal au poignet. Eh Bolo, c'est pas lèche, le poignet. J'suis le taulier et j'te baisse l'employé. Coup de CP, manière forte, employé. Faut moucave, saute hôtel. Une piste, va pas chave à l'hôtel. Une piste, faut tu rap, vide recel. Et piste, c'est une pince de carton. J'suis le prince des cartons. Piquera bien tes 6 tonnes. T'as la chatte et les ins de 6 tonnes. C'est pélin, j'suis ta femme, peu michetonne. Serve-la les tontons fatteurs. Serve-la les tontons flaggeurs. La scène qui choque au batteur. Rejoins le peloton du backer. Serve-la les tontons fatteurs. Serve-la les tontons flaggeurs. Pousse un cri de gladiateur. Les menottes au radiateur. Serve-la les tontons fatteurs. Serve-la les tontons flaggeurs. La scène qui choque au batteur. Rejoins le peloton du backer. Serve-la les tontons fatteurs. Serve-la les tontons flaggeurs. Pousse un cri de gladiateur. Les menottes au radiateur. Ton apport, on va se répandre comme de l'eczéma. Petit baisse les maths si t'as pas eu genre de Benzema. Là c'est le checks des braves, personne baisse les bras. Hashtag, à qui la faute si le bouton sec s'écrase. Aristocrasseuse, aristocrate. C'est l'apparition d'un gros calibre vocal. Le tarif se propage, la tarif trop tard. 25G, Farage, on habite au large. On maquille l'otage en attendant la rançon. Procède au rapistolage, tu connais la chanson. Là, c'est pas tes pneus qui crient là. C'est de l'âme tranchante, on sort d'un maquis sauvage. J'espère que le bal t'enchante. Là, j'vide mes couilles, j'vide ma rage. J'ai du très haut que j'vide ma race. Vite débrouille, vite malade. Comment veux-tu faire tri de ma life? J'vide mes couilles, j'vide ma rage. J'ai du très haut que j'vide ma race. Vite débrouille, vite malade. Comment veux-tu faire tri de ma life? Serve-la les tontons fatteurs. Serve-la les tontons flaggeurs. La scène qui choque au batteur. Rejoins le peloton du backer. Serve-la les tontons fatteurs. Serve-la les tontons flaggeurs. Pousse un cri de gladiateur. Les menottes au radiateur. Serve-la les tontons fatteurs. Serve-la les tontons flaggeurs. La scène qui choque au batteur. Rejoins le peloton du backer. Serve-la les tontons.